Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Mamari. Salut Mamari, comment tu vas ? Salut, ça va bien et toi ? Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et justement, je me suis dit que toi qui faisais du stand-up depuis quelques temps, tu devais avoir des pépites à nous raconter. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à partager avec nous ? Ouais. Oui, bah oui, il y a plein d'anecdotes. Forcément, dès que tu montes sur scène, les galères viennent rapidement. J'imagine. Ouais. Donc, comment ça s'est passé pour toi ? C'était lors de la première ? C'était quand ? En fait, celle qui me marque le plus, c'était dans ma première année de stand-up. Je jouais dans une chicha. Ah. Parce qu'en fait, ouais, déjà le A qui arrive. Ouais. Oui, les chichas... J'ai donné, je connais et je sais que c'est dur. Ça finit souvent en anecdote. Oh oui. Franchement, à l'époque, tu vois, ça me semblait évident que je devais le faire. Et tu sais, j'avais tellement de choses à prouver quand tu commences et tout, et qu'on te dit, qu'un truc est difficile. En tout cas, moi, j'avais envie d'y aller, quoi. J'avais envie de me dire que tout est possible et que les gens qui me disent que je suis pas capable, bah ils me connaissent pas, quoi. Tu aimes un petit peu relever les défis, quoi. Bah ouais, mais là c'est trop. c'était vraiment trop. Et du coup, ouais, on me disait non, mais les chichas, ne fais pas. En plus, c'est pas pour toi, c'est pas ton style. Et forcément, moi, j'avais envie d'y aller, quoi. Et j'ai trouvé une chicha, en fait, qui n'en était même pas vraiment une, dans le sens où normalement, quand tu vas en chicha, c'est aussi pour gagner de l'argent, tu vois. C'est pour ça que les gens le font, alors que c'est difficile. Mais là, c'était une chicha où on était payé au chapeau, mais un truc ridicule, quoi. Donc, en gros, le seul intérêt de faire une chicha qui est de gagner une bonne somme d'argent n'était même pas là, quoi. Ah ouais, vraiment. C'était vraiment, juste purement aller se faire du mal. Mais j'avais envie, c'était les débuts. T'as envie d'aller jouer partout. Et du coup, j'avais une opportunité pour aller jouer dans cette fameuse chicha toutes les semaines. Et faire une espèce de chronique et... Enfin, bref. Et du coup, j'y vais et je me dis, je vais travailler mes interactions et tout. Et donc, je vais jouer là-bas régulièrement. Forcément, à peu près toutes les semaines, ça se passe mal parce que j'ai pas du tout l'âme de quelqu'un qui fait de l'interaction et encore moins de l'interaction en chicha où faut... Faut rentrer dedans, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, moi je suis pas, enfin en tout cas, c'est pas ce qui me plaît le plus, quoi. À peu près toutes les semaines, c'était un peu galère, mais je me décidais pas à abandonner. Et là, l'anecdote, c'est le jour où je me suis dit, ça y est, c'est trop, je peux plus, ça suffit, tu sais, le jour où t'ouvres les yeux. Et ça faisait plusieurs semaines qu'il y avait un gars qui revenait et qui en fait parlait pendant mon passage, mais vraiment juste pendant le mien. Je sais pas ce qu'il, enfin je me rappelle plus ce qu'il disait, mais il faisait genre ouais, c'est trop drôle, hey, bravo toi. Oh, il cassait ton rythme et tout. Ouais, vraiment. Et du coup, moi dans mon âme de guerrière, je me dis la semaine, la dernière fois où j'ai joué, toute la semaine je me dis je vais pas me laisser abattre par ce gars, je vais préparer des vannes. Et du coup, je fais une liste de sujets sur lesquels potentiellement il pourrait me couper, il pourrait me vanner. J'écris plein de trucs pour avoir de quoi répondre, tu vois, pour avoir mon arsenal. Est-ce que comme dans les films, dans ton salon ou dans ta cave, tu avais genre une espèce de grand portrait du mec avec une carte de la ville et des épingles et tout, tu sais? Mais c'était vraiment, enfin, j'étais vraiment dans cet esprit-là, tu vois, J'avais malheureusement pas cette carte avec sa photo, mais enfin, dans mon carnet, il y avait plein de flèches partout, plein de trucs, du genre, j'ai mon plan, tu vois. Et du coup, j'y vais ce soir-là, je fais mon set, et là, comme d'habitude, tu vois, il commence à parler un petit peu, et il fait, ah, c'est sympa tes cheveux, on dirait de la moquette. Ok, je me dis trop bien, ça je l'avais prévu et tout, j'ai ma vanne, j'ai mon truc. J'étais fière de moi, j'avais cette âme de, cette fois tu vas pas m'avoir, je vais te battre, tu vois. Et je réponds comme ça et je fais, hey, on n'est pas chez Castorama ici, hein. Et vraiment, et moi j'étais persuadée que c'était genre, une réponse trop bien, mais rien du tout, personne, tout le monde était là en mode oh, genre ah. C'est triste quoi. Et le gars il fait ah bah c'est bien, courage. Oh là là, personne t'a suivi quoi. Personne m'a suivi, mais même moi, tu sais, parfois, tu le sens quand tu dis les choses que déjà il n'y a pas le rythme, il n'y a pas la conviction, il n'y a rien. Et t'as même pas, tu sais, parfois quand une idée t'arrive par surprise, t'as un petit élan comme ça qui fait qu'il y a un truc en plus. Mais là, comme je l'avais préparé, j'avais même pas cet élan de surprise, tu vois. Ça n'avait pas la fraîcheur de l'impro, ça n'avait pas la puissance, ça n'avait pas l'efficacité d'un texte rodé. Donc c'était un entre-deux, c'était un peu un texte, un peu bâtard, quoi. Ouais, tu vois, c'était vraiment ça. C'était, tu sais, c'est cette. Cette énergie de victime, vraiment. Genre... Alors, moi, ça me fait penser à la phrase qui a rendu célèbre Myriam Benoît, tu vois, le fameux « je suis pas venu là pour s'offrir, ok ?» Mais ouais, c'était vraiment cette énergie de « ah, j'ai du caractère, d'accord ?» Oh là là là là là là. Ah, je me mets à ta place et ça a dû être vraiment difficile. Ah, mais la solitude et vraiment, enfin, en plus, pour te dire à quel point il n'y avait aucun intérêt à ce que j'aille là-bas, à chaque fois, c'était que c'était tard, ça commençait à 23h, donc du coup, je finissais à 1h30, 2h du matin. Et du coup, t'es là, tu viens, tu fais ton trajet, t'as préparé toute la semaine des phrases, t'as pensé à un seul mec pendant toute la semaine et tu sors ton truc et tu vois que genre, oh! Ça prend pas, quoi. T'apprends pas. Et là, tu réalises vraiment genre que t'es pas du tout là où tu devrais être. Et je me suis vraiment dit après ça, mais qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment le moment où je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu te fais ce mal? Pourquoi? Pourquoi? Et du coup, je me suis dit, mais plus jamais! Plus jamais j'y vais. Et du coup, le gars qui me programmait, il s'est dit, oh mon Dieu, la pauvre... Le gars, c'est vrai qu'il la saoule depuis longtemps et tout. On va l'empêcher de revenir. Comme ça, elle reviendra. Mais vraiment, le gars, je m'en fichais qu'il revienne pas. Je me suis juste dit, mais il y a des fois, t'es pas à ta place. C'est pas ton truc. Et il faut le savoir. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'en fait, le mec, ça a été la goutte d'eau, tu vois. Ouais. Parce que toi, dès le départ, tu sentais que tu n'étais pas à ta place, tu n'étais pas à l'aise, ça ne prenait pas. En plus, il n'y avait pas d'intérêt à y aller parce que c'était plus galère qu'autre chose. Et là, qu'en plus, il y a un mec qui vienne et qui te contredise à chaque fois ou qui te bloque dans ton rythme et tout, là, c'était bon, bah ok, j'étais vraiment pas loin de me barrer. Et bien là, je me barre, ça y est. Bah, c'est ça, c'est ça. Enfin, il y a des moments où tu es obligé de voir que non, ça ne marche pas. Du coup, je suis contente que ce mec-là, au final, tu vois, il ait été là et qu'il m'ait fait comprendre que c'était pas mon délire. Mais du coup, à l'époque, j'étais tellement entêtée, tu vois. T'as tellement envie de réussir et il y a tellement... Ouais. Il y a toute une culture de... C'est dur, tu vois, pour y arriver. Mais tu sais pas à quel point, quel niveau de difficulté tu dois supporter, tu vois. Bah, le mec, ouais, t'a permis de te rendre compte de ça. Et c'est là que tu m'annonces, ben, depuis, c'est mon metteur en scène. Depuis, je l'emmène partout avec moi. Ah, mais tu sais, quelque part, d'avoir un mec comme ça dans la salle, ça te forge après. Et c'est-à-dire, la prochaine fois, si jamais tu as quelqu'un comme lui, tu vas gérer de ouf, tu vois. Ouais, non, mais parfois, ouais. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais pas prête du tout, tu vois. J'avais pas confiance en moi et je voulais avoir une autre personnalité, quoi. Là où maintenant, je pense que, tu vois, je lui aurais répondu différemment, mais... Tu vois, avec beaucoup de calme, je pense que je suis quelqu'un de beaucoup plus calme que ce que je voulais jouer à l'époque de je suis cinglante ou quoi. D'accord, mais tu voulais pas être. Enfin, ouais, tu vas le faire plus en mode mamari qu'en mode sniper de chicha, quoi. Bah, c'est ça, en fait, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus drôle et c'est beaucoup plus cohérent pour les gens dans la salle parce que tu sens que la personne, elle est vraiment dans son. Bah, elle est elle, quoi. Oui, bah oui, en fait, c'est le fameux « faut vraiment essayer d'être soi-même sur scène », quoi. Bah ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça, et ça. Et justement, les impros, là où je trouve que tu peux pas tricher, après, je pense qu'il y a des gens qui arrivent hyper bien à faire avec des vannes préparées ou quoi, mais les impros, si t'es débutant et que t'es pas sincère, mais c'est forcément gênant, tu vois. Il y a ce truc de t'essayes trop, parce que le pouvoir de l'impro, c'est vraiment d'être dans l'instant et de tous vivre la même chose, de vivre un truc super sincère, quoi. Absolument, oui, oui. Ben, l'impro, c'est le truc le plus sincère sur scène parce que les gens se disent, il vient de se passer un truc, la personne sur scène a réagi, elle ne peut pas avoir préparé ça. Il y a très peu de chances que ce soit un complice, quoi. Bah ouais, exactement. Et du coup, on est trop... on est émerveillé, tu vois, de la surprise et il y a quelque chose de magique, tu vois. Alors que si tu essayes de fausser ça, bah, généralement, ça passe pas, quoi. C'est très dur de faire passer un truc qui est pas authentique. Déjà, sur scène, généralement, quand tu essayes de faire rire en n'étant pas authentique, c'est dur. Mais alors, en impro, non. Je comprends. Mais c'est déjà bien que tu aies pu apprendre ça assez vite comme leçon, parce que c'est une leçon que certains mettent beaucoup plus de temps à comprendre et à apprendre. Toi, au cours de ta première année déjà, tu l'avais compris, donc c'est une très bonne chose. Ouais, ouais, c'est une bonne chose, mais après, t'es pas obligé de te jeter sur des murs pour apprendre un truc, tu vois. Moi, je pense que... Ah, mais ça, tu le voulais, c'était un challenge pour toi, et puis tu as relevé le défi, t'es parti, maintenant t'as compris au moins. Mais si tu veux, quelqu'un te dira pas, ouais, ma Marie, t'aurais pu tenter ta chance en chicha. Non, tu diras, écoute, j'y suis allé, j'ai tenté, ouais. Et j'ai compris que c'était pas pour moi, c'est tout. Ah, mais vraiment, là c'est... Ouais, c'est vrai qu'au moins, il n'y a plus de place au doute, quoi. Voilà. Vraiment... plus rien, j'en ai fait assez. Après, j'en ai fait d'autres que celle-là, mais pareil, c'est pas ma place, quoi. Et avant, en fait, je le prenais très mal. Je trouve ça intéressant, tu vois, le positionnement et de savoir quel est ton style. Je prenais ça très mal quand les gens me disaient, mais non, mais ta place, c'est dans un théâtre avec un public assis, enfin, tu vois, genre quelque chose de plus. Vraiment plus classique, et je le prenais hyper mal parce que j'avais l'impression qu'on me disait t'es pas capable d'être drôle au point de faire rire les gens en chicha, tu vois. Je le voyais en tant que une limitation, et en fait c'est juste parfois c'est pas forcément une insulte d'être dans un style différent, tu vois. Non, bien sûr, mais tu vois, c'est comme une bagnole. Si la bagnole, son moteur il est diesel, t'as beau essayer de mettre de l'essence dedans, ça partira jamais, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et du coup je pense que c'est vraiment ça que ça m'a appris, tu vois, d'aller dans un endroit où, enfin, c'est pas mon public, c'est pas moi, un endroit où je me sens bien, et c'est pas du tout ma place. C'est vraiment ce truc de faut s'accepter, tu vois. Même si j'aurais adoré être quelqu'un qui marche partout et qui détruit toutes les salles, il y a un moment. Ouais, mais ça c'est très rare, ça. Il vaut mieux être quelqu'un qui fonctionne bien à l'endroit où il se sent chez lui, tu vois, à sa place, qu'être quelqu'un qui va jouer partout, mais qui sera moyen partout, voire médiocre. Ouais, bah c'est ça, c'est se concentrer sur ses forces, tu vois, plutôt que de vouloir tout faire, aller dans tous les sens, ouais. C'est travailler ses forces, quoi. Absolument. Et toi, du coup, tes forces, tu les as trouvées, tu as réussi à comprendre quelles étaient tes faiblesses, et ça va te permettre de travailler sur les choses que tu réussis plus facilement. Et du coup, ça va développer ton personnage sur scène, sur les vraies scènes sur lesquelles tu te sens vraiment à ta place, et ça va te permettre d'être encore plus efficace, parce que du coup, tu ne vas pas te disperser, tu vois. Ben, c'est ça, tu perds moins d'énergie dans des endroits où tu pourrais clairement t'en dispenser, quoi. C'est sûr. Ok, merci beaucoup. Et donc, tu avais une autre anecdote ? Ouais, j'en ai une autre, mais pareil, c'est sur les endroits qui ne me conviennent pas. c'est sur une scène que j'ai faite en virtuel sur Zoom. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah, oh mon Dieu. Mais en fait, j'en avais fait d'autres avec le Barbès Comedy Club où ça s'était hyper bien passé. Ça, c'était un peu le baptême de scène virtuelle. C'était au tout début, c'était au moment du premier confinement. Donc, on avait testé ça et tu vois, il y avait la sensation de nouveauté. Donc là, ça s'était bien passé. J'en ai fait une autre avec des Québécois. C'était agréable aussi. Et du coup... Cool. Ouais, franchement, j'avais une grosse appréhension et je me disais, en plus, c'est, tu vois, dans les scènes, il y a aussi ce truc rassurant de se retrouver avec les humoristes que tu connais et du coup, t'es moins stressé. Mais là, j'étais avec que des gens que je connaissais pas, donc je me disais que ça allait trop mal se passer et finalement, non. Et donc, j'avais ces deux scènes-là qui s'étaient très bien passées. Et j'ai ce truc un petit peu de glandu, de pas beaucoup travailler avant mes scènes, quoi. Et du coup, j'en avais une nouvelle à faire là. Et je me voyais procrastiner. Et je me disais, bon, j'ai un peu peur parce que je devrais travailler, mais j'ai déjà fait d'autres scènes comme ça où ça s'est bien passé. Et j'ai un peu cette chance de... je sais pas, tu vois, la fraîcheur, parfois, ça te donne un petit truc. T'as pris un peu trop confiance, en fait, et tu t'es dit que tu pourrais gérer, quoi. Ouais, vraiment, vraiment, j'ai pris confiance et je me suis dit, ok, je suis pas très prête, mais du coup, ça va faire spontané, ça va être cool, et de toute façon, je vois ce que c'est une scène virtuelle, c'est beaucoup moins de pression qu'une vraie scène, et ça va très bien se passer. Donc, je me connecte, on commence le truc, et je passe dans les derniers. Donc, je vois tout le monde passer. Parfois, c'est un petit peu dur, mais c'est plutôt agréable. Et donc, du coup, je me dis, il n'y a pas de souci. Et vraiment, je vois le stress quitter mon corps comme ça. Et j'y vais, mais en toute détente. Et là, je commence mon texte qui était 100% du test. Et je vois que les gens comprennent pas trop ce que je raconte. J'essaye de me raccrocher à des choses qui se passent autour, mais c'est vraiment pas pareil, tu vois. Genre, quand t'es en virtuel et que tu veux te rattraper sur des commentaires, des trucs comme ça, enfin, c'est vraiment... t'es vite très, très dispersé et tu pars dans tous les sens. Et là, je faisais mon texte. En même temps, j'essayais de rattraper les gens en faisant des impros sur des commentaires. En même temps, t'entends pas les rires parce que du coup, tout le monde était en mute. Et je vois la solitude arriver en moi et vraiment ce truc de « t'aurais dû te préparer et tu le savais très bien et t'as cru que… voilà, ouais. T'as fait deux scènes virtuelles, tu t'es dit « je maîtrise ce truc ». Quoi. Là, quelque part, en fait, ça fait comme sur la scène physique parce que quand tu pars sur la scène physique, une vraie scène, tu montes, tu fais ta première scène, t'es un petit peu en panique, bon, bah, les gens sentent une fraîcheur et une sensibilité, une fébrilité chez toi, donc ils rigolent, ils sont bienveillants et tout. Deuxième fois, tu y vas. Deuxième ou troisième fois, tu y vas en confiance. Tu te dis, bah, c'est bon, j'ai réussi la dernière fois. Ouais. Et en général, tu te plantes. Et oui, et tu te prends une claque qui te rappelle, mais tu maîtrises rien du tout. Et je trouve que c'est... Enfin, j'allais dire, c'est un sport... Enfin oui, c'est un sport d'humilité, quoi. C'est ce truc de... Le stand-up, tu ne peux pas prendre confiance pendant bien longtemps, quoi, parce que ça te rappelle vite que... Et non, tu ne maîtrises pas, non. En fait, je pense que ce que ça donne, le stress, c'est de la concentration, tu vois. Et dès que tu es plus concentré, que tu es plus dans le moment et dans ce truc-là, mais c'est fini, quoi. Et du coup, là, je l'ai bien vu, j'ai très, très bien vu avec cette scène virtuelle. Et le pire, je trouve, avec le virtuel, c'est que tu es tout seul chez toi et en plus, c'est pas comme si tu retournais en loge après. Tu es obligé. Tu es à l'endroit où tu as senti la solitude et du coup, chaque fois que tu regardes ton ordinateur, tu as un coup au cœur, tu sais. C'est exactement ça, il y a une petite musique qui se lance. Mais tu vois, tu es obligé de garder ta caméra ouverte. Comme ça, et de sourire pendant que tout le reste se passe, tu vois. Et t'es là, j'ai juste envie de couper ma caméra et de partir, mais non, t'es obligé de rester avec les gens et de... Oui, bah, comme en vrai, comme un vrai bide. Parce que quand t'es sur scène, que tu joues une heure et que t'es en train de bider, tu sens que ça va être long, mais tu peux pas partir, t'es obligé de rester et de faire comme si tout allait bien. Oui, il y a ça, mais je trouve que le vrai bide... Après, moi, j'ai jamais fait une heure, tu vois. J'ai jamais fait une heure où, du coup, je pense que le temps long, tu dois bien le sentir. Ouais. Mais du coup, moi, l'expérience que j'ai eue de bid, c'est tu fais 5, 15, 20 minutes. Si ça ne marche pas pour toi, après, tu vois, tu vas en loge et tu ne vois pas les gens. Tu n'es pas obligé. C'est comme si là, tu bidais sur 5 minutes et tu es obligé de rester sur la scène pendant les passages des autres, tu vois. Ah oui, je comprends. Juste une question que je me pose. Le mec qui revenait chaque semaine à la chicha, est-ce qu'il était connecté aussi? T'imagines? C'était ses commentaires, voilà. Le mec te suit. Le mec te suit. Si ça se trouve, ma Marie, tu sais, ce mec-là, c'est ton fan numéro un. Et du coup, il se dit, je dois la pousser au maximum. Je dois l'aider. Ouais, si ça se trouve. Hein. Si ça se trouve, il faut que je regarde. Il y a toujours un gars derrière moi qui est là. La moquette. Non. La moquette, ça va rester, ça. Ah, mais ça, mais son truc de moquette, ça me... Oh, je crois que j'oublierai jamais. Mais ouais, mais je comprends. Et franchement, c'est tellement une vanne pourrie et pas gentille. Enfin, si seulement elle était bonne, la vanne, mais elle est pas bonne. C'est un truc qu'on entend. C'est un truc qu'on entend depuis le départ. Hein, on dirait de la moquette et tout machin. Enfin, tu sais, ouais. Les gens qui ont les cheveux crépus et tout, ils entendent ça. Moi, si tu veux, moi j'ai les cheveux plutôt lâches, quoi, plutôt lisses. Et le truc, c'est que j'entends tout le temps des vannes sur les gens qui ont les cheveux crépus et tout le temps les histoires de oh, on dirait de la moquette et tout machin. Mais c'est punaise, mais changer de disque, quoi, c'est même pas marrant déjà de base. C'est vraiment hyper claqué, tu vois. C'est vraiment un truc. Et ouais. En plus, c'est pas, tu vois, c'est pas comme si tu l'entendais une fois. Enfin, j'ai entendu ça des milliards de fois dans ma vie et des milliards de fois, je m'en foutais, tu vois. Ouais, ouais. Et là, alors, ouais. Bah, peut-être qu'une solution, je suis en train de penser, c'est, tu vois, de. Bah, après, j'ai pas encore vu ton set, je peux pas dire, voilà, mais tu le fais peut-être déjà. Mais c'est genre d'en parler direct dès que tu rentres, tu vois. Dès que tu rentres, tu fais tes premières vannes. Et tu fais une blague toi-même avec une histoire, si tu veux, tu mets de la moquette dedans ou quoi. Mais je veux dire, il faut t'en servir, en fait. Il faut retourner ce cliché pourri, là, contre ceux qui veulent l'utiliser, en l'utilisant toi-même, tu vois. Ouais, quand c'est des trucs comme ça que tu ne peux pas éviter, généralement, ouais, je cherche à écrire des vannes comme ça, là-dessus. Mmh. Mais je pense que ce n'est pas assez récurrent pour que vraiment il y ait un problème, tu vois. Ah, c'est juste quelques relous de temps en temps qui te les sortent, tu vois, ce truc-là. C'est pas un truc qu'on me dit tous les jours, heureusement, mon Dieu. Mais oui, j'ai quelques vannes sur les cheveux et tout, mais c'est pas un truc assez important pour que je commence dessus, tu vois. D'accord. Ben, parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai l'impression que physiquement, déjà, dès que tu arrives sur scène, s'il y a quelque chose de remarquable chez toi, tu dois en parler parce que sinon, ça, les gens se posent des questions et du coup, ils sont moins avec toi, j'ai l'impression. Tu vois, moi, par exemple, je suis en surpoids. Ouais. Les premières blagues que je fais, c'est sur mon surpoids. C'est en mode, c'est bon, on a compris, allez, on enchaîne. Tu vois, c'est tout. Oui, tu vois, c'est ce truc de oui, je sais, et je m'en fous, tu vois. Et voilà, c'est vraiment, voilà. C'est non seulement je sais, vous inquiétez pas, j'ai remarqué aussi, j'ai un miroir à la maison. Ensuite, j'ai préparé des vannes dessus pour vous faire plaisir et rigoler avec vous. Et surtout, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas m'attaquer dessus. Je viens de le faire. Ouais, je vois. Je vois tout à fait. Mais justement, tu vois, les vannes, par exemple, de surpoids, je me posais des questions dessus. Parce qu'avant, je n'étais pas spécialement concernée. Mais là, pendant le confinement, j'ai pris du poids de ouf, tu vois. On en a tous pris, peut-être pas. Ah, mais là, enfin, genre, j'ai vraiment... Enfin, tu vois, il y a un vrai changement physique où tu te dis... hein. Enfin, genre, limite, de dos, tu me reconnais pas, tu vois. Oh, j'étais pas prêt. Enfin, bref. Et justement, tu vois, je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Mais comme j'ai pas encore vécu l'expérience de monter avec le corps que j'ai actuellement, je sais pas à quel point, tu vois, c'est... C'est un sujet et j'ai trop peur de faire des blagues qui sont trop... où je me tape trop dessus et je trouve que c'est sensible, tu vois, comme... je trouve que c'est trop facile de trop se taper dessus et j'ai peur de faire ça, tu vois. Bah après, il ne faut pas trop en faire. C'est sûr que sur 10 minutes de sketch, si tu fais 8 minutes sur ton surpoids, ouais, ça va être relou. Mais, mais si tu montes et tu fais... Tu vois, regarde-moi par exemple mes blagues de présentation. Elle dure au total, genre entre mon intro et les blagues de présentation que je mets partout, ça dure à peu près 2 minutes au total, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu une carte de visite pour moi, tu vois. C'est-à-dire, quel que soit le sujet que je vais traiter, je vais prendre ce morceau-là, je vais le faire, j'ai ma petite intro, tu vois, mon entrée en musique et tout. Après, je fais mes blagues, bam, bam, bam, tu vois, des blagues d'autodérision. Et puis après, 2 minutes, c'est terminé et j'enchaîne avec le sujet que j'ai envie de traiter, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ton générique, en fait. C'est vraiment… Voilà. Et toi, je pense que tu peux trouver ça sans charger la mule. Hein. Tu n'es pas obligé de charger la mule. Mmh. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Tu peux. Hein. Après, il faut tester. Il faut trouver quelque chose qui te fait rire, toi, d'abord, tu vois. Bah, c'est ça. Enfin, c'est ça le truc. faut écrire des trucs qui te font vraiment sincèrement rire et pas des trucs juste pour faire rire les gens et au fond de toi, t'es trop mal, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Non, il faut vraiment être dans la bienveillance, tu vois, avec les gens et dans la bienveillance avec toi-même. C'est-à-dire, il ne faut pas aller au-delà de ce que tu pourrais endurer comme blague. De toute façon, les gens le sentiront vite. Hein. Si tu n'assumes pas ta blague, ils le sentiront. Oui. Mais souvent, en fait, cette limite-là, je trouve qu'elle est dure à trouver. Et justement, tu vois, quand tu m'as contacté, tu m'as parlé de mon pseudo, tu vois, trop drôle pour mourir. Oui, ça m'a fait rire, ça. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce nom. Et justement, c'est parce que je parle de dépression, etc. Et vraiment de trucs deep, d'envie suicidaire. Enfin, j'en parle réellement. Et tu as ce truc où l'équilibre entre ce qui te fait du mal et ce qui te fait rire, parfois, tu vois, tu t'en rends pas compte avant d'être sur scène, quoi. D'accord. Mmh. Tu vois ou pas? Oui. Mais en fait, ouais, c'est-à-dire l'humour que tu décris là, c'est une espèce de fine ligne entre la dépression et la bonne humeur, on va dire. Je sais pas, donc tu essayes de naviguer entre les deux, mais tu veux pas basculer totalement dans l'un ou totalement dans l'autre. En fait, c'est plus quand tu ris de choses qui te font souffrir, tu vois. Mais du coup, enfin, le présupposé avant ça, c'est qu'il faut que la chose te fasse souffrir, tu vois. Je pense que toi et moi, par exemple, sur le thème du surpoids, je pense qu'on n'a pas du tout la même émotion et la même vision, tu vois. Oui, parce que toi, tu viens d'avoir ta carte de membre, alors que moi, ça fait longtemps que je fais partie du bureau. Exactement ça, tu vois. C'est ça, c'est que du coup, avec ce type de blague-là, et c'est pareil pour les blagues de dépression. Et en fait, je trouve que quand tu donnes aux gens un truc qui est assez sensible, bah, c'est une très belle porte pour avoir vraiment des gros rires et avoir une honnêteté et tout. C'est hyper bien. Mais t'ouvres aussi la porte à ce que les gens viennent t'en parler, etc. Et que, au final, tu te rends compte que, t'aimes pas. D'accord. En fait, ouais, il y a des choses que tu dis sur scène, je comprends un petit peu mieux. J'essaie d'analyser parce que là, ce dont tu parles, c'est très deep, justement, et je trouve ça intéressant. Donc, je vais essayer de comprendre. Mais en gros, tu as l'impression que tu as assez digéré le problème pour en parler sur scène, mais tu ne l'as pas assez digéré pour en parler pas publiquement, mais je veux dire après, avec les gens, en parler plus sérieusement, quoi. Ouais, parfois, tu reçois certaines perceptions, tu vois, des gens qui te font te rendre compte que... En fait, tu préfères avoir un monologue qu'une discussion, tu vois. Parce que toi, tu as ton point de vue sur la chose, mais il y a beaucoup de gens qui viennent te voir un peu en mode pitié, tu vois. Ah d'accord, non, je pensais que tu allais me dire, ils viennent en mode, moi aussi j'ai vécu ça. Il y a des gens, moi aussi j'ai vécu ça, ça va généralement, même si on n'a pas la même perception, je pense que j'ai vraiment tellement de recul dessus que ça va, je sais gérer. Mais plus les gens qui viennent en mode « Oh, ah oui, c'est triste, tu vois ?» Et du coup, toutes les blagues d'autodérision, moi, j'ai souvent du mal avec ça parce que les gens ont beaucoup d'empathie envers moi, tu vois. Enfin, je pense que c'est le fait d'être petite, d'avoir une petite voix, tout ça. Les gens ont plus tendance à se dire « Oh !» que à se dire direct « C'est bon, elle est solide, tu vois ?» D'accord. Bah, alors, peut-être que ce que tu peux faire, c'est désamorcer cette autodérision par une phrase. Il y en a des fois qui le disent, tu sais. Ils disent genre, alors pas la peine, ne me plaignez pas, vous inquiétez pas, ça va très bien parce que je fais ci, parce que je fais ça. Tu sais, genre, tu en rajoutes avec des vannes, avec un message, même pas en filigrane, j'allais dire en filigrane, mais genre, alors vous inquiétez pas, il y a des gens des fois qui viennent me voir à la fin du spectacle et nanana, nanana, tu vois. Et tu peux dire, mais non, vous inquiétez pas, si vous saviez ce que je fais ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois. Ouais, je vois. Non, mais C'est genre désamorcer, tu vois, désamorcer cette autodérision. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, tous les trucs qui te limitent dans tes sets, etc., en fait, ça fait un bon départ pour des vannes, souvent. Quand tu te rends compte que ça soulève des questions, du coup, ça te donne de nouveaux angles. Quand tu te rends compte qu'il y a des réactions fortes, tu vois, ça te donne des nouveaux horizons à explorer, quoi. Mmh. Oui, mais je pense qu'en fait, les retours du public, tu peux t'en servir aussi pour faire des nouvelles vannes, tout ça. Les gens qui sont venus te voir à la fin, tu sais, tu peux le dire. Moi, je sais que dans mon spectacle, tu vois, je parle beaucoup avec les gens, je leur pose des questions, tout ça. Quand il y a quelqu'un qui me sort une réponse complètement inattendue, bah, la fois d'après, tu peux être sûr qu'il est dans le sketch, quoi, tu vois. Ouais, bah oui, je vois. Et du coup, tu l'intègres T'intègres juste ce qu'il a dit ou c'est vraiment, tu le présentes comme quelqu'un m'a dit cette phrase la semaine dernière? Oui, non, je joue pas le côté c'est moi qui ai trouvé la blague. Hein. Enfin, la blague, c'est moi qui l'ai Ouais. trouvée, du coup, mais je veux dire, je dis vraiment, la dernière fois, j'ai demandé ça, j'étais à Nancy, tu vois, je pense à un truc, tu vois, un sketch où je parle, je demande aux gens de me dire ce que j'ai eu, tu sais, je parle de la fête foraine, en fait, je dis que j'ai été au Punching Ball et qu'il y avait plusieurs niveaux de force, tu vois, et après, je dis aux Ouais. gens, à votre avis, j'ai eu quoi? Et donc, les gens me sortent un truc, et après, je dis, ça va encore, parce que la dernière fois, j'étais à Nancy, j'ai demandé, à votre avis, j'ai eu quoi? Et il y a un mec qui m'a dit, non, non, tu vois. Donc, Ouais. je présente ça comme exactement comme ça s'est passé. Tu vois, je vais pas Voilà, dire, ouais, c'est ça. je vais pas dire. Alors, si parmi vous il y en a qui pensent que j'ai eu nanin, non. Tu vois, je vais vraiment dire, il s'est passé ça avec le spectateur. Ouais, bah ouais, ok, je vois. Après, c'est vraiment chacun comme il le sent. Si toi tu te sens mieux de dire, alors si jamais vous pensez ça nanana, plutôt que de dire la dernière fois quelqu'un m'a dit nanana, tu vois, Ça c'est ça. dépend comment ça rentre dans ton écriture, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, comme j'ai un ton très conversationnel avec les gens, ça passe. Après, toi, sur scène, ça peut être aussi différent. L'essentiel, c'est que ce soit sincère, que tu l'écrives de manière indirecte ou de manière directe ou indirecte. L'essentiel, c'est que ce soit sincère et les gens le sentiront. Bah oui, ouais, c'est sûr. Eh bien, écoute, en C'est tout cas, sûr. merci beaucoup. Merci beaucoup, Ouais. ma Marie, pour Bah merci à toi. Merci, avec grand plaisir. Merci pour ces belles anecdotes et pour cette discussion philosophique. Ça fait plaisir d'être un peu plus, de rentrer un peu plus deep dans le podcast de temps en temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est trop drôle pour mourir. Ah, Voilà. mais là, C'est global. je suis fan, je suis fan. Merci. Eh bien, merci à toi, ma Marie. Je mettrai donc le lien vers Instagram dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.